Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Toi, tu t'es beaucoup inquiété parce que cet homme qui t'a demandé en mariage ne t'appelle plus, ça fait plusieurs mois. Mais j'aimerais te dire, ne t'inquiète pas parce que le Seigneur lui-même fera en sorte qu'il va se rappeler de toi. Oui, ne te soucie plus. Consacre-toi à l'œuvre du Seigneur. Cherche premièrement son royaume et sa justice et tu verras tout ce que tu cherches. Dieu va te l'accorder. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme, toi qui es marié. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 23. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre passage du jour, c'est Éphésiens chapitre 1, 15 à 23. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Il y a trois grandes vérités qui se dégagent de ce texte, et ces vérités vont inspirer nos prières. Voici la première vérité. Concerne les deux vertus que nous devrions cultiver en tant que chrétiens, en tant que croyants. Il s'agit de la foi au Seigneur et de la charité pour les autres frères et sœurs. Vous voyez, le verset 15 dit, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, la foi en Jésus. Il est vrai que quand on parle de la foi, il y a d'abord la foi initiale que tout être humain doit avoir, celle qui est importante pour son salut, la foi en Jésus. Croire en Jésus, c'est croire ce que la Bible dit de lui. C'est croire que Jésus est le seul chemin pour aller à Dieu. C'est croire que Jésus est mort et ressuscité, qu'il est monté au ciel. Je ne peux pas dire que je crois en Jésus, mais en même temps, je fais des fétiches. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas réellement en Jésus. Comment tu peux dire que tu crois en Jésus et tu as encore des canaries pour la protection? Comment peux-tu dire que tu crois en Jésus et tu continues encore à aller au cimetière pour faire des prières? Non, celui qui croit en Jésus ne fait pas cela. Il croit que Jésus est tout puissant, capable de le protéger. Donc, et il faut continuer à cultiver la foi en Jésus. Tous les jours, je dois croire que Jésus est capable de me bénir. Il est capable de me guérir. Il est capable de pourvoir mes besoins. Vous voyez, nous devons donc cultiver la foi. La vie chrétienne est une vie de foi. Nous avons cru par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes devenus enfants de Dieu et nous devons continuer à marcher par la foi. Et l'autre vertu, c'est la charité. Il y a ceux qui s'arrêtent seulement à la foi. Oui, je crois en Jésus, mais parfois, on ne voit pas les actes qui accompagnent la foi. C'est pourquoi ici Paul dit, ayant entendu parler de votre foi, les Éphésiens ont cru en Jésus, mais ils ont démontré aussi leur foi de manière pratique par la charité, l'amour. Il dit, ayant entendu parler de votre foi et de votre charité pour tous les saints. Écoutez bien, j'insiste toujours, quand vous lisez dans le Nouveau Testament, quand on parle de saints là, il ne s'agit pas de gens qui sont morts. On ne te demande pas d'aller prier quelqu'un qui est mort. On ne te demande pas d'aimer quelqu'un qui est mort. Si par exemple la vieille est morte, ton père ou ta mère, tu n'as pas le droit d'aller invoquer son nom. Non, ça c'est interdit par la Bible. On te demande d'aimer ceux qui sont restés. Le saint ici, c'est le frère et sœur en Christ que tu dois aimer. Nous les chrétiens, nous devons manifester l'amour de manière pratique. Ceci suppose que nous devons bannir la haine, la jalousie. Aujourd'hui, quand nous regardons l'église, c'est vraiment honteux de voir qu'il y a souvent des palabres entre des frères et sœurs à cause du manque d'amour. Il y a des frères et sœurs qui ne peuvent pas se supporter. Il y a même des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui se combattent par manque d'amour. Bien-aimés, nous devons cultiver la foi et l'amour. Deuxième vérité, il s'agit des sujets de prière. Vous voyez, souvent nous ne prions que pour des sujets matériels. Seigneur, bénis-moi, donne-moi l'argent, donne-moi les mariages. Ce n'est pas mauvais. Mais ici, l'apôtre Paul nous apprend à prier pour nos besoins spirituels. Vous voyez ici, l'apôtre Paul dit au verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Nous allons voir deux sujets de prière importants pour lesquels chacun de nous devrait prier de manière constante. Premier sujet, nous devons prier pour que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 17, il est dit, « Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Souvent, quand on parle de révélation, il y a des gens qui pensent que la révélation consiste à dire que Dieu te révèle qui est le sorcier qui t'a envoûté, te révéler dans ta famille où tu es né. Non, il ne s'agit pas ici de ça. L'esprit de sagesse, il s'agit d'une sagesse divine qui te permet de connaître les mystères divins, qui te permet de connaître la parole de Dieu. Lorsque tu lis la Bible, tu la comprends. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, mais sans la sagesse, l'intelligence divine, ils ne peuvent rien comprendre. Alors, tu dois prier pour que Dieu te donne cet esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, pour que tu puisses connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, on le connaît à travers sa parole, la Bible. C'est pourquoi la Bible, là, comme elle a été inspirée par le Saint-Esprit, pour que tu puisses bien la comprendre, bien l'interpréter, il y a le côté révélation. C'est-à-dire, il faut que le Saint-Esprit t'aide. Pour que lorsque tu lis une parole biblique, tu comprennes la profondeur. Est-ce que tu comprends? Nous qui prêchons l'évangile, nous les prédicateurs, nous les pasteurs, nous les apôtres, nous avons besoin encore de cet esprit de révélation. Pour que lorsque nous méditons la Bible, nous ne puissions pas l'interpréter à tort et à travers. Pour que nous puissions comprendre la pensée biblique, la pensée de l'esprit. Et lorsque nous avons l'esprit de sagesse et de révélation, nous allons pénétrer les saintes écritures. Nous allons comprendre les vérités bibliques. Et nous serons capables de les communiquer au peuple de Dieu de manière authentique, de manière sincère, avec vie. La deuxième chose que nous devons demander l'illumination du Saint-Esprit. Vous voyez, verset 18, il dit, « Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. » L'illumination du Saint-Esprit est aussi importante. Vous voyez, « Qu'il illumine les yeux de notre cœur. » C'est-à-dire, de la même manière que nous avons les yeux physiques là, au niveau du cœur, nous avons aussi les yeux. Il faut que nos yeux soient illuminés. Attention, il ne faut pas voir illuminé ici dans le sens du monde mystique. Il y a des gens qui sont dans le mysticisme qui disent qu'il faut qu'on t'initie. Non, en Jésus, on n'a pas besoin d'initiation. Si quelqu'un dit, hein, il faut que je puisse t'initier pour que tu entres dans une dimension, mon ami, ça devient sorcellerie. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une illumination du Saint-Esprit. Tu pries pour que le Saint-Esprit t'illumine au niveau de tes yeux spirituels pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses percevoir ce que les yeux physiques ne peuvent pas percevoir, vous voyez, dans la vie chrétienne. Alors, quelles sont ces choses que nous devons percevoir avec les yeux de l'Esprit? Il y a trois choses ici. Première chose, il y a l'espérance qui s'attache à notre appel. En tant que chrétiens, nous sommes tous des appelés. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui disent, j'ai cru en Jésus, je gagne quoi? Je gagne quoi? Mais lorsque tu es illuminé, tu vas comprendre que c'est une grâce de croire en Jésus. Il y a une espérance qui est attachée à cet appel-là. Tu ne peux plus revenir dans le monde. La deuxième chose, il faut que tu sois illuminé pour que tu puisses comprendre la richesse de la gloire de notre héritage. Lorsque tu acceptes Christ, tu deviens héritier de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas quelle richesse il y a dans cet héritage-là. Il y a une grande richesse. Il y a des grandes bénédictions, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Je parle à quelqu'un. Tu viens d'accepter Jésus. Peut-être que maintenant tu souffres. Tes parents, tes frères te disent, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as quoi? Tu n'es même pas encore marié. Regarde, tu souffres. Tu es malade. Non. Il y a une grande richesse qui va au-delà même des bénédictions terrestres. Vous voyez. Mais c'est lorsque tu es illuminé que tu vas comprendre ces choses, que tu vas t'attacher à ces choses, que l'Esprit de Dieu va te révéler ce qui t'attend. Il y a une grande gloire que Dieu te réserve. Et tu ne vas pas retourner en arrière. Et troisième chose, lorsque tu es illuminé, tu vas comprendre l'infinie grandeur de la puissance divine. Il y a beaucoup de gens qui vont chercher la puissance chez les marabouts, dans les mouvements mystiques. Mais lorsque tu es illuminé, tu vas comprendre que la vraie puissance là se trouve en Jésus. La vraie puissance là, c'est nous les chrétiens qui l'avons. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Un vrai chrétien né de nouveau, les sorciers, les mystiques, ils ont peur de lui. Oh, tu es homme de Dieu, tu es prophète. Tu n'as pas besoin d'aller chercher l'huile quelque part, une poudre quelque part, pour commencer à faire tomber les gens. Non, en Jésus, nous avons l'onction, nous avons la puissance. On n'a pas besoin de chercher une autre puissance. Ça ne s'achète pas quelque part. Non, c'est une puissance spirituelle que Dieu déverse en nous par son esprit. Troisième vérité concerne la suprématie de Jésus. Vous voyez, Jésus est au-dessus de tout, au-dessus de toutes puissances, au-dessus des sirènes des eaux, au-dessus de tout pouvoir de mysticisme. Si quelqu'un te dit que non, il y a quelqu'un d'autre, un autre grand maître qui aurait initié Jésus, c'est faux. Il est dit ici au verset 20, il a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, même encore dans les siècles à venir. C'est-à-dire qu'au-dessus de Jésus là, il n'y a aucune autre puissance. Il n'y a même pas d'autre puissance qui peut égaler, même dans les siècles présents, même dans les passés là. Aucun roi, aucun empereur ne peut égaler à Jésus. On dit non seulement dans les siècles présents, même dans les siècles à venir. C'est-à-dire que même dans l'avenir, même dans 20 ans, dans 100 ans, quelqu'un ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre plus puissant que Jésus. Non, Jésus est au-dessus de toutes ses puissances. Je vais dire à quelqu'un, tu es tourmenté par une maladie. On a jeté un sort sur toi. Jésus est au-dessus de cette maladie. Il a la puissance de briser, de te libérer. Il est au-dessus de tout. Et on dit, il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le chef suprême de l'Église, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un bishop, ce n'est pas un archevêque, ce n'est pas un apôtre, mais c'est Jésus qui est le chef de l'Église. Et si c'est lui le chef de l'Église, nous devons être soumis à lui. Il faut que nous puissions lui obéir. Il faut que l'Église se laisse conduire par Jésus-Christ de Nazareth et non pas par un homme. Oh, que son nom soit béni. Nous allons le louer en chantant ce chant. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Maladie, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Et

Le passage du jour, c'est Éphésiens 1, 15 à 23. Nous venons de voir que nous devons cultiver la foi et la charité pour tous les saints. Bien-aimé, tu vas prier pour dire, Seigneur, fortifie ma foi. Je vais te demander aussi de me donner l'amour. Prions pour que l'amour se manifeste entre nous les frères et sœurs. Que l'esprit de haine, de palabres, de mésentente, de rancune soit ôté au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Très excellent Père, je te bénirai en tout temps. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en toi et que les malheureux écoutent et se réjouissent. Nous exaltons ton nom. Nous élevons ton saint nom au Père éternel. Ce matin, c'est une grâce pour nous. C'est un privilège exceptionnel pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de te louer, d'exprimer notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous prions au Père éternel que ton amour, que ta foi, ton amour soit toujours manifesté en nous et que nous puissions l'exprimer également. Que la foi en toi soit une réalité et qu'elle soit exprimée. Que l'amour pour le prochain, l'amour pour les saints soit une réalité dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons autorité sur tout esprit de haine. Nous prenons autorité sur tout esprit de palabre, tout esprit de rancune dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons que les œuvres de la chair sont bannies en notre sein. Nous les lions dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit dans ta parole, tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans le ciel. Nous prions et nous libérons ta grâce. Nous libérons ta protection. Nous libérons ta sécurité dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que l'amour du prochain soit une réalité en notre sein. Que la foi envers toi soit également une réalité et que tout piège de la foi soit ôté au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous te glorifions, Père éternel, parce que nous avons mis notre foi, nous avons mis notre assurance en toi et nous ne serons jamais déçus. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas prier pour que Dieu te donne un esprit de sagesse et de révélation. Et qu'il illumine les yeux de ton cœur pour que tu comprennes l'espérance qui s'attache à ton appel, la richesse de sa gloire et l'infinie grandeur de sa puissance. Prie pour que vraiment tu reçoives cet esprit de révélation et de sagesse. Prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père, parce que dans Jacques, on nous dit de te demander la sagesse et tu vas nous l'accorder. Amen. Nous te la demandons ce matin, comme tu l'as donné à Salomon. Il a été l'homme le plus béni. il était celui-là que tu as utilisé, qui a rendu notre Dieu, notre Père, beaucoup de jugement. Que cette sagesse nous soit accordée par ton esprit, par ta parole. Nous en avons besoin parce qu'il y a des décisions à prendre. Donne-nous l'humilité, donne-nous ta crainte, donne-nous Seigneur, notre Père, notre Sauveur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, donne-nous la connaissance. Nous sommes dans ce monde où l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il veut nous empêcher de nous concentrer sur ta parole. Il veut nous empêcher d'être contrôlés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin, Seigneur. Nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons que tu nous conduises, tu nous diriges. Nous avons des familles à gérer. Nous avons des décisions à prendre. Nous nous remettons ce matin entre tes mains. Accorde-nous cette sagesse pour savoir diriger nos églises, nos familles, pour la gloire de ton nom, pour la puissance de ton nom ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir la suprématie de Jésus. Il est au-dessus de toutes tes puissances. Il est au-dessus de fétiches. Il est au-dessus de la sorcellerie. Tu vas proclamer la seigneurie de Jésus. Tu vas déclarer qu'il est au-dessus de tout et que tous tes puissants des ténèbres qui te combattent reculent maintenant au nom de Jésus. Que Jésus est au-dessus de toutes ses puissances au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, ce matin, je voudrais effectivement annoncer ta grandeur, annoncer la grandeur de Jésus-Christ. Car il est écrit, en dehors de Christ, il n'y a point de nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pour cela que la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La Bible déclare aussi que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrées en spectacle. Père, je reconnais que ton nom est au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de tout démon de l'enfer, de tous les gourous, de tout homme. Car la Bible dit, il a plu à Dieu de faire habiter en toi toute plénitude. La Bible dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui tout a été créé, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et toutes choses subsistent en lui. Père, merci parce que ton nom nous donne l'autorité. Ton nom nous donne le pouvoir. Ton nom nous ouvre toutes portes. Ton nom nous donne la guérison. Ton nom nous donne le salut. Père, merci et merci pour ton nom qui est élevé dans nos vies, dans nos familles, partout au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. Nous faisons monter.